Nous avons un Dieu merveilleux. Et chaque fois que nous venons dans sa présence, nous nous libérons totalement. Louer Dieu, c'est exprimer. Il faut toujours exprimer quelque chose. Comment pouvons-nous nous taire et ne pas exprimer la gratitude devant Dieu? Est-ce que vous avez des raisons de dire merci à Dieu ce soir? Ça serait pourquoi alors? Ça serait parce que vous avez mangé, bu, vous êtes vêtu, ça serait pourquoi? Ça serait peut-être parce que vous vous souvenez que sans Jésus, vous ne serez rien. Ça serait peut-être parce que vous êtes garanti qu'un jour, quand il reviendra, il vous prendra avec lui. Ça serait peut-être parce que vous êtes garanti qu'il y a une place pour vous à côté du Père que Christ a arrangé. Mais quelle que soit votre raison de dire merci pour les choses faites et celles qui ne sont pas faites, nous allons pendant un moment ensemble élever nos voix et même nos mains, pourquoi pas, lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, mon Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ce moment bénéfique. Tellement que tu as trouvé digne, ô Dieu, de demeurer auprès de moi. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour ton amour éternel. Ah. Tikangai na yembela yo. Tikangai na kumiso yo. Tikangai na tombola yo. Kolo tika na yembele yo, tika nga na kumise yo, tika nga na tombole yo, maloba motu ya ematina mote mananga, nalingi na kumise yo, nalingi na tombole yo. Bona yo masia nanga Yesala nzete ya bio Na fonda na kimyo Ibakuya malamu ya kokutana na yo Saki yole kaka na nzela na gaito Ndelelo na suka wapye Kina beba Ndela linga kina kufa Kodi misanga na libulu ya bakosyo Yeah. fami na linga kina kufa nanga Obi misanga, okangolanga, opesanga bomo Yesu nanga Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Au Kokanamo Je sais que tu as des raisons pour dire merci au Seigneur. Pendant que tu étais dans la prison, le Seigneur était là. Pendant que tu étais à l'hôpital, l'Éternel était là. Je crois que ce soir, toutes les raisons sont bonnes pour que nous puissions élever celui qui siège au milieu.